إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 1 dans un livre de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى qui s'intitule الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. Et الزهد, ça veut dire yani le fait de ne pas donner yani dans notre de ne pas placer la dunya dans notre cœur à un niveau plus important ou plus grand que l'au-delà. Et l'aspiration ar-raghba, l'aspiration vers l'au-delà. Donc le fait de ne pas donner à la dunya trop d'importance et le fait d'aspirer vers l'au-delà. C'est un sujet extrêmement important et les salafs, ils donnaient à ce sujet-là une grande importance. Et il y a de nombreux versets dans le Coran qui nous incitent à ce principe. Et surtout à une époque comme la nôtre, dans laquelle les gens sont tellement attirés par la dunya et yani, presque complètement absorbés par la dunya au point d'oublier l'au-delà de façon complète parfois et parfois même de négliger complètement l'au-delà. Ça veut dire que beaucoup de gens, même parmi les musulmans, ils ont placé la dunya au-dessus de toutes leurs priorités et de toutes leurs aspirations et ils ont complètement négligé ou oublié l'au-delà. Et ça, c'est extrêmement grave et c'est très dangereux. Et donc, le Cheikh, yani, hafizahullah, il fait un rappel important à ce sujet-là. Et donc, il dit, et il commence au début, ça va être avec des rappels, une partie d'un des livres de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Et ensuite, il fait un commentaire sur ce que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné. Donc, vous allez voir, yani, c'est extrêmement important. Le cheikh, il dit, il commence donc par yani, l'introduction. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin, wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Et après, il commence avec khutbat al-haja. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الكلام كلام الله فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة الرغبة في الآخرة تقتضي الزهد في الدنيا لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين النظر في الأولى النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. نعم. Donc on va traduire cette partie. Donc le cheikh il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et sur ses compagnons et ceux qui l'ont suivi de la meilleure façon jusqu'au jour de la résurrection. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et nous cherchons son pardon. Et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre les mauvaises conséquences de nos actions. Celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul. Il n'a aucun partenaire. Je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui, et ne mourrez qu'en étant des musulmans. Ô vous qui avez cru, préservez-vous de votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et qui a créé de celle-ci son épouse et qui a propagé à partir de ces deux-là, à partir de ces deux-là, c'est-à-dire ces deux âmes, ces deux personnes, beaucoup de femmes et d'hommes. Et préservez-vous d'Allah par celui par lequel vous demandez en son nom, et craignez également de couper les liens de parenté. Certes, Allah vous surveille. Et vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et dites une parole de droiture. Il va réformer pour vous vos actions et pardonner pour vous vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'une réussite immense. Et ensuite, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure des guidances est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des affaires, est ce qui est inventé dans la religion. Et toute invention dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est égarement, et tout égarement est dans le feu de l'enfer. Et ensuite, le cheikh il commence à mentionner les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il mentionne à ce sujet dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya à propos de Az-Zuhd et Ar-Raghbatu fil Akhirah. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne parmi les points bénéfiques que le fait d'aspirer à l'au-delà, ça implique le fait de se détacher de la dunya. De se détacher de la dunya, c'est-à-dire de détacher notre cœur de la dunya, dans le sens qu'on ne va pas donner à la dunya plus d'importance que l'au-delà. Et il dit, et donc on ne peut pas arriver à aspirer réellement à l'au-delà, excepté en se détachant de la dunya. Et on ne peut pas se détacher de la dunya, excepté en regardant ou en tenant compte de deux points de vue, ou de deux choses de façon correcte. Et la première chose qu'on doit regarder, c'est de méditer et d'observer la réalité de la dunya. Ça, c'est la première chose. Et il a mentionné à ce sujet-là plusieurs points qui nous font réaliser et qui nous font comprendre à quel point la dunya, elle est éphémère et comment elle est méprisable et comment elle est déficiente et limitée. Il mentionne plusieurs points à ce sujet-là de façon très résumée et très concise, mais très claire en même temps. C'est une des qualités et une des particularités de la façon dont l'imam Ibn al-Qayyim écrit. Lorsqu'il parle d'un sujet, il utilise peu de mots, mais ce sont des expressions ou des mots qui renferment beaucoup de signification et beaucoup de sens. Et donc, il dit par exemple ici, si on regarde la dunya, il faut tenir compte des choses suivantes. Sur'atu zawaliha. Qu'est-ce que ça veut dire, sur'atu zawaliha? Ça veut dire qu'elle s'en va vite. Elle se dissipe rapidement. Wa fana'iha. Wa dmihlaliha. C'est-à-dire, elle disparaît, elle part, elle ne reste pas, hein? Elle se dissipe. Wa naqsiha, elle diminue. Wa khissatiha, elle est, c'est pas quelque chose qui a une grande valeur, elle est faible dans sa valeur, la dunya. Wa alamul muzahamati alayha wa al-hirs alayha. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dans la dunya, il désire ce qu'il y a dedans, eh bien, ça va lui causer de la douleur. Et quand il a il fait un effort très grand pour obtenir ce qu'il veut, ça lui cause également de la douleur et de la fatigue. Et il dit وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغُصَصِ وَالنُّرَصِ وَالْأَنْكَادِ. Donc, il dit, en voulant dire ici que dans tout ce qu'il y a dans la dunya, dans tous les efforts que quelqu'un fait pour l'obtenir, il y a dedans beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, beaucoup d'épines. Hein? Et il dit, et à la fin, donc à la fin, en même temps, lorsque tu l'obtiens, il dit, وَأَخِرُ ذَلِكَ الزَّوَالِ. C'est-à-dire, à la fin, malgré tout ce que tu as pu faire pour l'obtenir et pour en avoir plus dans cette dunya, eh bien, ça finit par disparaître et par s'en aller. وَالِنْقِطَعَ. Et ça cesse. Hein, ça, tout ce que tu cherches, tu en es séparé à la fin. Et c'est coupé de toi. Ma'ama ya'qubu min al-hasrati wal-asaf. Et ça va être, c'est suivi par quoi? Par la suite, par de la tristesse. Et puis du regret, des remords. Hein? Et de la désolation, le fait d'être désolé, d'être triste de quelque chose. Il dit فَطَالِبُهَا لَا يَنْفُكُ مِنْ هَمِّنْ قَبْلَ حُصُولِهَا. Donc celui qui court après la dunya et qui est en quête de la dunya, il ne se sépare jamais des soucis, hein, et des tracas avant de l'obtenir. Il dit وَهَمٌ فِي حَالِ الظَّفَرِ بِهَا. Et il a également des soucis et des tracas une fois qu'il la possède. Il dit وَغَمٍ وَحُزْنٍ بَعْدَ فَوَاتِهَا. Et des soucis et de la tristesse lorsqu'il se sépare d'elle, hein, ou bien lorsqu'elle se sépare de lui. Et il dit فَهَذَا أَحَدُ النَّظَرَيْنِ. Donc ça, c'est une des deux choses que tu dois prendre en considération lorsque tu observes ce sujet, lorsque tu parles de l'aspiration, le fait d'aspirer à l'au-delà et de se détacher de la dunya. Quand tu tiens compte de ces réalités-là, eh bien, ça devient, après, d'une certaine façon, beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour toi de mettre les choses en perspective et de donner à chacun sa réelle, hein, sa réelle position et sa place réelle. De donner à la dunya ce qui lui revient et de la mettre à sa place, et de donner à l'akhira la place qui lui revient et de la mettre à sa place, c'est-à-dire, hein, de ne pas mettre la dunya au-dessus de l'au-delà. Et il dit, comme deuxième point, il dit An-nazaru thani fil akhirati wa iqbalaha wa maji'iha wa la budda wa dawamuha wa baqa'uha wa sharafu ma fiha min al-khayrat wal masarat wat-tafawut alladhi baynahu wa bayna ma ha huna fa hiya kama qala subhanahu wal akhiratu khayrun wa abqa fa hiya khayratun kamila دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. Donc ici le cheikh il explique que en ce qui concerne l'au-delà, ça c'est le deuxième chose qu'on doit observer par rapport à l'au-delà, c'est le fait que on se dirige tous vers l'au-delà. Et c'est quelque chose qui nous vient. Hein, c'est quelque chose qui va nous arriver, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on va mourir, on va tous mourir. Et il y a quelque chose qui nous attend dans la vie après. Et cette chose qui nous attend après, si on est des croyants, eh bien, c'est quelque chose, yani, bien entendu, qui va être éternel et qui va durer, hein, qui va être durable. Et également, si on regarde, on observe la noblesse de tout ce qu'il y a dedans, comme bonne chose et comme réjouissance. Et on voit entre la dunya et l'au-delà des grandes différences. Hein? Il n'y a pas de comparaison possible entre ce qu'on peut obtenir comme plaisir éphémère dans cette vie d'ici-bas et ce qu'il y a dans l'au-delà. Hein? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le cheikh il cite le verset 17 dans Sourate Al-A'la, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc le cheikh, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit ici, ce sont donc des bonnes choses qui sont complètes et parfaites et permanentes, éternelles. Et tandis que cette vie d'ici-bas, les biens qui sont dedans, eh bien, ce sont des illusions. Ce sont des choses qui sont incomplètes, imparfaites et qui sont limitées, hein, et qui vont disparaître tôt ou tard. Donc, il dit, si tu veux donc comparer entre ces deux visions-là, ces deux observations-là, si tu es une personne intelligente, eh bien ça va impliquer de toi une chose, c'est-à-dire que tu vas donner préférence à ce qui mérite, hein, qu'on lui donne la préférence et la précédence, c'est-à-dire l'au-delà, et tu vas te détacher de ce qui implique qu'il y en ait le détachement. Hein, c'est-à-dire la vie d'ici-bas qui est éphémère et limitée, hein, et incomplète et imparfaite. Il dit ensuite, « فَكُلُّ أَحَدٍ مَتْبُوعٌ عَلَىٰ أَنْ لَا يَتْرُكَ النَّفْعَ الْعَاجِلِ وَالْلَذَّةَ الْحَاضِرَةَ إِلَى النَّفْعِ الْآجِلِ وَالْلَذَّةِ الْغَائِبَةِ الْمُنْتَظَرَةِ إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ الْفَضْلَ لَهُ وَإِمَّا لعدم رغبته في الأفضل وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. Donc il dit, le cheikh ici un point important, il dit toute personne dans sa nature, il est créé d'une manière à ce qu'il aime le profit, hein, ou l'intérêt ou le bien qui est rapide et qui est, hein, qu'il va obtenir de façon précipitée et hâtive. Il préfère de jouir d'un bien aujourd'hui plutôt que d'attendre à plus tard pour avoir quelque chose. Hein? Un plaisir qu'il va avoir. Donc, si tu dis à quelqu'un, écoute, je te donne le choix, hein, soit de jouir d'une grande richesse, je te le donne aujourd'hui, ou je te le donne dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est certain que n'importe qui à qui tu demandes quand est-ce que tu veux jouir de ce bien-là, il va te dire, oui, je veux l'avoir tout de suite, je ne veux pas attendre. Hein? Et le cheikh dit, ça c'est vrai, excepté si on te fait comprendre qu'il y a un mérite ou quelque chose de meilleur après qui t'attend. D'accord? Donc si par exemple je te dis, écoute, tu as le choix, soit tu vas avoir un bien dans cette vie d'ici-bas, ou bien soit que tu vas avoir un bien dans l'au-delà, après la mort. Sauf que le bien que tu vas avoir dans la vie d'ici-bas, il est limité. Tu ne sais pas combien de temps tu vas l'avoir et tu ne vas pas l'avoir pour l'éternité, pour toujours. C'est juste un temps très court. Tandis que ce que tu vas avoir dans l'au-delà, si tu fais ce que je te demande, si tu fais ce qui est bien, tu vas être dans un bien qui est éternel, hein, et des plaisirs et des délices éternels. Donc, dans ce cas-là, n'importe qui, hein, va choisir ce qui est éternel et ce qui est meilleur. Donc, ça, c'est normal, à moins que la personne ne désire pas ce qui est meilleur. Hein, ne désire pas ce qui est meilleur et ce qui est éternel. Et si c'est le cas, que la personne ne veut pas ce qui est meilleur, c'est soit à cause d'une des deux choses suivantes. Soit qu'il a une foi faible, hein, c'est-à-dire que sa foi en la promesse qu'on lui fait, elle n'est pas assez grande pour l'amener à justement faire cette décision-là et prendre ce choix-là, ou sa raison est trop faible et sa compréhension est trop faible. Donc son intelligence est trop limitée pour comprendre qu'il y a un intérêt ici à ne pas vouloir justement prendre uniquement ce qui est dans cette vie d'ici-bas, mais d'attendre justement pour avoir ce qui est éternel dans l'au-delà. Et il dit ensuite, فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن هناك أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق فإن لم يصدق بذلك فكان عادما للإيمان رأسا وإن صدق ذلك كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. Et donc le cheikh il explique ici, ensuite il dit, donc la personne qui désire et qui aspire uniquement à la vie d'ici-bas et qui fait que des efforts pour obtenir la dunya, hein, et qui préfère la dunya à l'au-delà, soit que yani, le cheikh il dit, soit qu'il croit que ce qu'il y a après est plus noble et meilleur et plus durable, ou soit qu'il n'y croit pas. Et s'il n'y croit pas, alors ça veut dire qu'il n'a pas de foi déjà en partant. Mais s'il y croit, et que malgré qu'il prétend y croire, il donne quand même précédence à la vie d'ici-bas, sur l'au-delà, eh bien ça veut dire que sa raison, elle est corrompue. Et qu'il ne sait pas choisir ce qui est bien pour lui. Hein? Et ça, c'est clair. Et le cheikh, il dit ensuite, وَهَذَا تَقْسِيمٌ حَاصِرٌ ضَرُورِيٌ لَا يَنْفُكُ الْعَبْدُ مِنْ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ مِنْهُ. Donc, il dit cette division ou cette classification-là, c'est une chose qui est nécessaire. Et c'est pas possible que quelqu'un, un être humain quelconque, se sépare de cette réalité, de la réalité de ces deux catégories-là. Hein? Et il dit, فَإِثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ إِمَّا مِنْ فَسَادِ الْإِيمَانِ وَإِمَّا مِنْ فَسَادِ الْعَقْلِ وَمَا أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا. Hein? Subhanallah. Donc le cheikh, il dit, donc, le fait de donner précédence à la dunya sur l'au-delà et de préférer la dunya à l'au-delà, c'est soit à cause de la corruption dans la foi ou bien la corruption dans l'intelligence et dans la raison. Et il dit, et même que parfois, et très souvent, c'est à cause de la corruption des deux. C'est-à-dire la corruption de la dunya et de l'au-delà. De la dunya et de l'intelligence, de la raison. La corruption de la foi et la corruption de l'intelligence et de la raison. Les deux sont corrompus pour certains. Donc c'est encore plus grave. Donc comme on dit des fois, si la personne elle a pas de foi, à la limite sa raison devrait l'amener à comprendre. Hein? Mais si elle a pas de foi et qu'elle a pas de raison, les deux, hein? Là, c'est encore plus grave, yani, nasallallahu alayhi wa sallam. Il dit, وَلِهَذَا نَبَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَأَ ظَهْرِهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَصَرَفُوا عَنْهَا قُلُوبَهُمْ وَاتَّرَّحُوهَا وَلَمْ يَأْلَفُوهَا وَهَجَرُوهَا وَلَمْ يَمِيلُوا إِلَيْهَا وَعَدُّوهَا سِجْنًا لَا جَنَّةً فَزَهَدُوا فِيهَا حَقِيقَةَ الزُّهْدِ. Et il dit ici le cheikh que c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a complètement rejeté. Hein, il a repoussé la dunya et il l'a jeté derrière son dos. Lui ainsi que ses compagnons. Hein, et ils ont détourné leur cœur complètement de la dunya. Hein, et ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté et ils ne l'ont pas aimé. Ils ne l'ont pas aimé et ils l'ont délaissé complètement et ils n'ont pas eu aucun penchant envers elle. Et ils l'ont même calculé comme étant une prison pour eux, hein, et non pas un paradis. Donc la dunya pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'était une prison pour eux et non pas un paradis. فزهدوا فيها حقيقة الزهد. Donc ils s'en sont détachés dans le sens réel du détachement. Il dit فلو أرادوها لنالوا منها كل محبوب ولا وصلوا منها إلى كل مرغوب فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها. Donc il dit le cheikh que s'il l'aurait voulu, la dunya, s'il l'aurait voulu, ils auraient pu en obtenir tout ce qui est, hein, tout ce qui est aimé et tout ce qui est convoité, tout ce qui est convoité, tout ce que les gens convoitent dedans, ils auraient pu l'obtenir facilement. Ils auraient pu l'avoir, hein, avec toute aisance. Parce que, il dit le cheikh, parce que elle leur a été présentée avec les clés de tous les trésors qu'il y a dedans et ils l'ont refusé. Il dit وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر وأنها دار عبور لا دار سرور وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن الرحيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنك راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. Donc il dit le cheikh, l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne ici, il dit que, hein, la dunya, yani, elle a été vidée sur les compagnons, elle a été ouverte devant eux, disponible à leur portée. Ils ont conquis tout ce qu'il y avait à conquérir dedans et obtenu tout ce qu'on pouvait obtenir de cette dunya. Mais yani, ils n'ont donné à ça aucune importance. Ils n'ont pas préféré cette dunya à l'au-delà. Et ils n'ont pas non plus troqué leur part de l'au-delà pour la vie d'ici-bas. Ils ont compris une chose. Ils ont compris que cette vie d'ici-bas, c'était un chemin qu'on traverse seulement. C'était un chemin, un passage seulement. Et non pas une demeure sur laquelle on reste ou dans laquelle on s'installe. Ils ont compris que c'était seulement un pont et non pas une demeure de, hein, un pont sur lequel on traverse ou un chemin sur lequel on passe et non pas une demeure de plaisir et de bonheur. Ils ont pris cette dunya comme un nuage d'été. Hein. Il donne peu et yani, il quitte par la suite. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient et qui part. Hein? C'est une visite et puis après on quitte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, hein, que les ulama de hadith ont déclaré sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, yani, qu'est-ce que j'ai à voir avec la dunya? Il dit, moi je suis comme un homme sur sa monture. Hein? Comme un cavalier qui part sur sa monture et qui s'arrête sous un arbre pour faire une sieste, hein, à l'ombre, et puis qui se lève et qui repart et qui laisse cet arbre. Hein? Donc c'est un passage seulement. On s'arrête quelques instants puis on continue notre chemin. C'est pas pour s'y attarder. Et il mentionne un autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et qui est rapporté également par At-Tirmidhi et par l'imam Ahmad également. Et c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yani la dunya par rapport à l'au-delà, ce n'est comparable que à quelqu'un qui trempe son doigt dans une rivière, hein, qu'il regarde qu'est-ce qui en sort lorsqu'il retire son doigt de cette rivière. Donc, c'est-à-dire que la goutte d'eau qui sort sur ton doigt lorsque tu trempes ton doigt dans cette rivière, eh bien, c'est ça, c'est la vie d'ici-bas comparée à qu'est-ce qui t'attend dans l'au-delà. Que cette petite goutte, hein, que cette petite goutte d'eau par rapport à cette rivière, hein, subhanallah. Et il dit ensuite, et il commence à mentionner maintenant plusieurs versets dans le Coran, et on va donc lire ces versets-là et les expliquer, inshallah. Donc il dit, وَقَالَ خَالِقُهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فأخبر عن خصة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. Donc ici le cheikh il a mentionné, hein, l'imam Ibn al-Qayyim il mentionne ici les versets dans sourate Yunus, et c'est les versets dans sourate Yunus, les versets 24 et 25. Donc on va lire les significations de ces versets là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets ce qui signifie la vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange, hein, à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les animaux et les bêtes. Et il dit ensuite, puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour, et c'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, hein? C'est-à-dire hashiman, on la fait devenir comme de la paille, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous l'épreuve pour les gens qui réfléchissent. Allah appelle à la demeure de la paix et il guide qui il veut vers un droit chemin. Hein? Donc, comment il a parlé de la dunya ici? Il l'a comparé à une eau qui fait descendre, hein, qui descend du ciel, qui se mélange à la végétation et à la terre. Elle nourrit les hommes et les bétails. Elle prend de sa parure, elle s'embellit et les gens pensent que ça y est. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Les propriétaires de ces terres, de ces végétations, ils pensent que ça y est, ils ont le pouvoir sur cette création-là et sur cette, hein, sur cette beauté-là, et qu'elle est à leur disposition, qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent avec. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre son commandement, de nuit ou de jour, et c'est alors que il dit, nous la rendrons comme si c'était de la paille, toute moissonnée. Comme si elle n'avait jamais été florissante auparavant. Hein? Ainsi exposons-nous l'épreuve pour des gens qui réfléchissent. Et après il dit, comme le cheikh Ibn al-Qayyim dit, voici comment Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, hein, à propos de la dunya, et comment cette dunya elle a peu de valeur. Et comment il a incité les croyants à s'en détacher. Et comment il a informé les croyants de la demeure de la paix, c'est-à-dire l'au-delà, le paradis, et comment il a appelé les croyants, hein, à attacher leur cœur à ce qui nous y attend dans l'au-delà. Et il dit, il a cité un autre verset ensuite, c'est dans Sourate Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Donc c'est les versets 45 et 46 dans Sourate Al-Kahf, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne encore un exemple, une autre parabole. Il dit, et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient comme de l'herbe desséchée que le vent disperse. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, de ce bas monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscite une belle espérance. Hein? Et qu'est-ce qui se produit actuellement dans le monde, hein? avec ces épreuves, ces épidémies, hein? Ces virus qui se propagent. Et les gens maintenant, ils voient la mort qui frappe à leur porte tous les jours, à chaque instant. Ils ne savent pas d'où est-ce qu'elle va leur venir. Alors que la mort est toujours aux aguets, en temps normal, mais les gens ne la voient pas ou n'y pensent pas. Ils sont distraits par la vie d'ici-bas. Mais maintenant, avec qu'est-ce qui se passe, à chaque jour, ils entendent parler de cette réalité-là. Et là, ils pensent justement à tout ce qu'ils ont comme espoir et comme aspiration et comme désir. Et tout ce qu'ils ont comme projet, comme planification par rapport à leur dunya. Hein? Et ils réalisent que peut-être que finalement, toutes ces planifications-là sont pour rien. Puisqu'ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir en profiter. Non seulement par rapport à la mort, mais même par rapport à la vie. Puisque la vie dans laquelle on est actuellement, elle est tellement restreinte et limitée dans tout ce qu'il y a comme liberté, hein? Les gens maintenant, ils réalisent à quel point cette liberté-là, elle est limitée actuellement, hein? Et ils réalisent à quel point cette liberté, elle est importante. La liberté de pouvoir aller à la mosquée, la liberté de pouvoir adorer Allah, de pouvoir écouter les durus, de pouvoir s'asseoir pour écouter, adorer Allah, lire le Coran, voir nos frères, pouvoir les visiter, voir les proches, voir les voyager, aller d'un endroit à l'autre, aller faire la Umrah, aller faire le Hajj. Toutes ces libertés-là, qui sont des libertés pour le croyant, les libertés de faire le bien, les libertés d'aller à l'école, les libertés de s'éduquer, les libertés d'aller sortir, juste même parfois pour aller faire des choses qui sont permises en islam. Et là, ils ne les ont plus, ces libertés-là. Hein? Alors, ça nous fait réfléchir à la réalité de cette dunya. Et pourquoi Allah nous a créés? Et si quelqu'un avait des doutes sur le fait que cette dunya est une prison, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour le croyant, cette dunya, c'est la prison des croyants et le paradis des mécréants. S'ils avaient un doute là-dessus, maintenant, ils commencent à le voir réellement. Hein? Parce qu'en ce moment, on est tous prisonniers dans notre appartement. On est tous en prison dans notre appartement, on ne peut pas sortir. Mais si quelqu'un était en résidence, c'est-à-dire il était forcé à rester chez lui, en résidence euh, pour ne pas sortir parce que l'autorité lui ordonne de rester chez lui, il considérerait ça comme un châtiment ou comme une punition. Tandis que, à l'heure actuelle, tout le monde reste chez lui, on n'a pas le choix. Et le fait que tout le monde est obligé de rester chez lui, ça fait que ça devient, disons, plus facile à accepter, mais n'empêche que c'est la même réalité. Hein? Mais on ne comprend pas non plus la valeur de la liberté, excepté lorsqu'on l'a perdue. Et toutes les grâces que Allah nous donne, on ne connaît pas leur vraie valeur et on ne les apprécie pas tant qu'on ne les a pas perdues. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous mentionne la réalité de cette vie d'ici-bas, encore une fois. Et il dit, dans le verset qu'on vient de lire, qui est dans Surat Al-Kahf, verset 46, « Wal-baqiyatus salihat, les biens et les enfants sont les ornements de la vie d'ici-bas, les parures de la vie d'ici-bas. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Hein? » Et il dit ensuite, « وَقَالَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Hein? Donc ça c'est le verset dans Sourate Al-Hadid, le verset 20 dans Sourate Al-Hadid. Et ici aussi il nous décrit la réalité de la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, amusement, vaine parure. Hein? Et ici, quand il dit ça, innama al-hayatu ad-dunya lahwun wa la'ibun, c'est pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ma khalaqna as-sama'a wal ard wa ma baynahuma la'ibin. Il dit, on n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux comme un jeu, ou en jouant. Lahwan. Dans un verset, il dit lahwan. Et dans un autre verset, il dit batila. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a créé, il l'a créé en vérité. Mais par rapport aux êtres humains, la réalité que cette dunya a pour les êtres humains, c'est ça. C'est un jeu pour eux. Il dit, sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Elle devient jaune par la suite. Et ensuite, elle devient des débris. Donc ça, c'est la réalité de la vie d'ici-bas. C'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui est éphémère, qui est temporaire. Et il dit, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Combien de gens aujourd'hui n'ont pas compris ça? Il y a des gens, tu les vois, comment ils jouissent de cette dunya et ils sont tellement convaincus qu'ils sont dans le bien et dans la dunya. Ah, subhanallah. Même que j'observe des fois, yani, par rapport surtout à le contexte de ce que j'ai vu avant l'islam et comment les jeunes et comment les gens en général, surtout les jeunes dans certains quartiers par exemple et dans certaines culture ou dans certaines traditions, par exemple, leur mentalité et qu'est-ce qu'ils pensent. Juste quand tu regardes, quand tu demandes à certains, parmi les jeunes, par exemple, même parmi les musulmans, parce que beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui, ils sont influencés par cette culture-là. Si on regarde, par exemple, les jeunes qui écoutent la musique, et qui écoutent le rap et la culture hip-hop et tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui représente pour eux le succès dans la vie, hein? Par quoi ils manifestent ou ils expriment ou ils montrent ce que représente pour eux le succès, hein, dans cette vie? C'est quoi? C'est tout ce qu'ils possèdent, hein, de montrer ce qu'ils possèdent, d'exposer ce qu'ils possèdent, de se pavaner avec leurs biens et de les brandir devant les gens pour se montrer orgueilleux de ça. Hein? Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset-là. Il dit, sachez que la vie présente, la vie d'ici-bas, n'est qu'un jeu, amusement et une vaine parure. Une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition de richesses et d'enfants. Donc c'est ça que, en réalité, c'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça leur vie. Hein? Combien de bijoux ils ont, combien de maisons ils possèdent, quelle grandeur de maison ils possèdent, combien de voitures ils possèdent, et quelle marque de voiture ils possèdent, et quel prix ils ont payé pour ces voitures, combien d'avions ils possèdent, combien de yani, toutes ces choses-là, tu vois, des parures et tout ça, et tout ça. Yani, Allah musta'an. C'est de l'orgueil seulement, c'est de la vanité, c'est rien. Hein? Et est-ce que c'est ça vraiment le bonheur et c'est ça vraiment le succès? Hein? Allah musta'an. Et il dit ensuite dans le verset, donc, que la végétation qui vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie, et ensuite elle devient des débris. Hein? Tout ça, ça ne reste pas. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment pour les kuffars ou les pécheurs et un pardon et un agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. C'est une jouissance trompeuse. Si tu penses que c'est ça le bonheur et que c'est ça la vraie jouissance, tu te trompes. C'est comme la personne qui est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, je suis comme un cavalier qui, avec sa monture, il part, il s'arrête en dessous d'un arbre. Il dort en dessous il fait une petite sieste en dessous de l'ombre, hein, à l'ombre de cet arbre, puis il repart. Tandis que c'est les gens qui n'ont pas compris la réalité de la dunya, ils veulent rester sous cet arbre et vivre là et s'installer là. Et ils ont oublié qu'ils sont en train de faire un voyage vers l'au-delà. Donc au lieu de continuer sur leur chemin et poursuivre leur chemin vers l'au-delà, ils s'arrêtent en chemin et ils s'installent. Hein, en plein milieu de leur voyage. Et c'est ça qui est trompeur. Et qu'est-ce qui les amène à faire ça? C'est le shaitan. Le cheikh, il dit ensuite, il cite un autre verset, qui est le verset 14 et 15 dans Surat Al-Imran. Il dit, « قال تعالى, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Donc en premier, le cheikh, il mentionne donc ce verset dans sourate Al-Imran, qui est le verset 14 et 15. Allah, il dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent. Trésors thésaurisés d'or et d'argent. Chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Hein? Et le verset 15 par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène les gens donc à Il leur fait comprendre que la plupart des hommes, et tous les hommes en général, ils aiment ces choses-là. C'est ces choses-là qu'ils désirent. Et les ulama, ils ont expliqué par rapport à ce verset-là, ils ont dit, il n'y a pas de mal à désirer ces choses-là en soi. Le mal, c'est de les placer au-dessus, hein, de l'au-delà. De les aimer plus que d'aimer l'au-delà. C'est ça le mal. Et le mal, c'est également de laisser ces choses-là nous détourner de nos obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le verset 15, et c'est ça qui est expliqué ici, dans le verset 15, qui est le verset suivant, dans surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, « Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ?» Pour les pieux, hein, c'est ceux qui ont at-taqwa, qui se préservent d'Allah, et de son châtiment, il y aura auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Hein? Donc, encore une fois, il nous ramène, hein, à la réalité des choses et il nous fait prendre conscience de la futilité des choses de cette dunya. Et il cite ensuite le verset 26 dans Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. » Et il dit « Et ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. » Donc c'est ça la réalité. Et il dit ensuite le cheikh وقد توعد سبحانه اعظم الوعيد لمن رضي بالحياه الدنيا واطمأن بها وغفل عن اياته ولم يرج لقاءه فقال ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار bima kanu yaksibun. Et donc ça c'est les versets 7 et 8 dans sourate Yunus. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là, parce qu'il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc menacé d'une grande menace celui qui est satisfait de la vie d'ici-bas. Hein? Et qui se sent en tranquillité et en sérénité dans cette vie d'ici-bas, et qui devient insouciant vis-à-vis des versets d'Allah, et qui n'espère pas la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les versets donc 7 et 8, dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente, et qui s'y sentent en sécurité, hein, qui s'y sentent en tranquillité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, leur refuge sera le feu pour ceux qu'ils acquéraient. » Hein? Donc ça, c'est une grande menace pour ces gens-là, cette catégorie de personnes. Nasallallahu al-afiyah. Et en particulier, les musulmans qui viennent s'installer et qui vivent chez les kuffars. On voit beaucoup de musulmans qui viennent s'installer et qui viennent vivre chez les kuffars, qui quittent les pays musulmans pour ça. Et ça, c'est extrêmement grave aussi. Hein? C'est extrêmement grave aussi. Pourquoi? Parce que dans les pays de Kufr, il n'y a pas aucun rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en grande partie dans la société. La société, elle n'est pas basée sur le rappel d'Allah. Donc, quand ils viennent s'installer ici, c'est comme si en réalité, ils venaient se jeter ou se lancer eux-mêmes dans un sable mouvant. Et vous savez, le sable mouvant, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que vous êtes tombé dedans, eh bien, plus vous vous débattez, plus vous vous engouffrez. Et c'est ça la réalité. Parce que s'ils voulaient vraiment l'au-delà et l'adoration d'Allah, ils ne seraient pas venus s'installer dans un endroit qui va leur rendre l'adoration plus compliquée et plus difficile. Hein? Et après, quand ils viennent et qu'ils réalisent, ils disent, « Oh, mais comment ça se fait qu'on n'a pas la liberté pour pratiquer notre religion alors que Les koufars, ils sont pour la liberté religieuse et pour ci et pour ça. Ça, c'est des théories qu'ils prêchent avec leur langue, mais ils n'y croient pas et ils ne l'appliquent pas non plus. C'est pas ça la réalité qui est dans leur cœur. Ça, c'est un piège et c'est un plan qu'ils ont justement pour égarer les musulmans. Et malheureusement, beaucoup de musulmans qui sont naïfs y ont cru. Et après, ils sont étonnés. Comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait qu'ils ne respectent pas leurs principes? Subhana Rabbi al-Azim. Comment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont trahi Allah auparavant. Comment vous espérez qu'ils ne vont pas vous trahir, vous? Ils ont trahi même, ils se sont même trahis entre eux. Comment ils ne vont pas trahir vous, les musulmans? Subhanallah. Ils se trahissent les uns les autres. Comment ils ne vont pas trahir les musulmans? Naam, Allah al-Musta'an. Après, le cheikh, il mentionne un autre verset. Il dit وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Donc ça c'est le verset 38 dans Sourate At-Tawbah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là ce qui signifie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme. Hein? Il blâme les croyants qui sont satisfaits de la dunya. Il dit, ô vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsqu'on vous dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous êtes appesanti. Hein? Vous devenez lourd sur la terre. La vie présente, la vie de la dunya, hein, vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? C'est-à-dire, est-ce que vous avez agréé la vie d'ici-bas plus que l'au-delà? Or, sachez que la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparées à l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est toujours en train de nous rappeler que l'au-delà est plus importante et a plus de valeur que la dunya. Il mentionne également un autre point, il dit « وَعَلَى قَدْرِ رَغْبَةِ الْعَبْدِ وَعَلَى قَدْرِ رَغْبَةِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَرِضَاهُ بِهَا يَكُونُ تَثَاقُلُهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَلَبِ الْآخِرَةِ وَيَكْفِي فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Et c'est les versets 205 et 207 dans Sourate Al-Shu'ara. Donc à la fin de la Sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vois-tu, si nous leur permettions de jouir des années durant, hein, des biens de la dunya, et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, hein? Qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. Hein? Donc ça, c'est la réalité. Et il mentionne un autre point également dans Sourate Yunus, le verset 45. Il dit ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. Il dit, et le jour où il les rassemblera, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau qu'une heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah et ils n'auront pas été bien guidés. Yata'arafuna baynahum, ils vont se reconnaître les uns les autres. Et il cite également un verset dans Sourate Al-Ahqaf. Dans Sourate Al-Ahqaf, Et c'est le verset 35. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa alqawm alfasiqun. Donc c'est le dernier verset dans sourate Al-Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'il n'était resté sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Hein? Qui sera donc anéanti sinon les gens pervers au jour de la résurrection? Hein? Donc il dit ensuite un autre exemple, un autre verset. قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Et ça, c'est les versets 42 à 46 dans Sourate An-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Quelle science en as-tu pour leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Donc, quand ils vont arriver au jour de la résurrection, ça va être comme s'ils avaient resté dans cette vie juste un soir ou un matin. Malgré qu'ils ont peut-être vécu 50, 60, 70 ans, 80, 90 ans, 100 ans. Hein? Mais à la fin, quand ils vont être ressuscités, ils vont penser à ça. Ils vont dire, combien d'années vous êtes restés sur terre? On dit, c'est comme si on est resté juste quelques heures, hein, d'une journée. Subhanallah. Et il dit aussi, dans un autre verset, il dit, وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. Subhanallah. Donc ça, c'est dans le verset 55 dans Sourate Ar-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'est-ce qui signifie, et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré, hein, qu'une heure seulement dans cette vie d'ici-bas. Donc c'est comme si ça leur a paru vraiment court. Et un autre exemple qu'il dit, وَقَوْلُهُ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc ça, c'est dans Sourate Al-Mu'minun, et c'est les versets 112 à 114. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là ce qui signifie, et il dira, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ce qui compte. Il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Hein? Et il mentionne, et il termine avec les versets suivants. Il dit, وَقَوْلُهُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذٍ زُرْقَى يَتَخَافَتُونَ بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان. Donc ça, c'est les versets dans sourate طه, et c'est les versets 102 à 104. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ces versets? On va lire la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux: vous n'êtes restés là que 10, hein, que 10 jours. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes resté qu'un jour. » Hein? Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné ces versets. Il a mentionné ces versets et c'est à partir d'ici donc que commence le commentaire de Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahu Allah ta'ala. Et nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et la suite de cette conférence ou bien de ce cours hein, que le Cheikh a donné, on va l'expliquer au prochain cours, la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.